Numéro 25. L'hôtel. Hôtel. La réception. Ukezuke. La clé. Kagi. La chambre. Heya. Le numéro de la chambre. Heya bango. Le lit. Beddo. La douche. Shower. La chambre individuelle. Single room. La chambre double. Double room. La salle de bain. Bathroom. L'air conditionné. Ippaku nishoku tsuki.